Nous devons parler de la paella. Donc, dis-moi ce qu'est la paella pour toi. Comment. Bah déjà, la paella, je prononce en espagnol. C'est un plat espagnol traditionnel, typique de Valencia, Valence en Espagne. Mais tellement universel, enfin, on le prépare partout et chacun à sa manière, en Andalousie, au Pays Basque, en Madrid, enfin, peu importe. Mais bon, ça vient de Valence, ouais, c'est sa région d'origine. Et en ce moment, maintenant que tu es plus en Espagne, quand est-ce que tu la prépares? Est-ce que tu en fais souvent? Non. Déjà parce que j'ai 3 enfants, donc je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, quelques week-ends, exceptionnellement, quand j'ai des visites, des amis qui viennent à la maison, en vacances, j'en fais. Ouais. Ça, c'est quand je pars en vacances, c'est. Normalement, c'est un rituel, ouais. J'ai fait la paille. J'aime bien. Et comment tu as appris à la faire? Bah, je l'ai appris parce que ma mère l'a préparée quand j'étais petite. Je pense qu'on mangeait la paella tous les dimanches. Et ma mère, elle fait une sacrée paella. Elle est très, très bonne. J'adore l'odeur, j'adore les produits qu'on utilise. Alors, donc c'est avec elle, enfin, quand j'ai eu des enfants, du coup, je lui ai posé la question, je voulais apprendre, parce que bon, quand on mange la paella, on n'apprend pas vraiment à la faire. Et on ne sait pas vraiment comment on la fait. Donc, du coup, toutes les deux, on s'est mis. Et elle m'a appris, voilà, l'essentiel, les étapes, les produits, les temps, les durées des cuissons, tout ce qu'il faut pour réussir en paella. Qu'après, enfin, en plus, elle prépare la paella au poulet, aux fruits des mers, voilà, les ingrédients, après, ça, c'est différent. Et donc, tu l'as fait chez toi ou tu l'as fait chez elle? Bah, chez elle, c'est elle qui me l'a fait, parce que je préfère quand même sa paella, même si elle m'a appris à bien la faire. Ouais, c'est la meilleure cuisinière. Après, non, chez elle, non. C'est vrai que je suis pas très gentille. Je pourrais lui proposer. Mais non, j'ai fait chez moi, quoi, avec ma maison, à son fond, avec des amis. Mais quand je vais à la maison, c'est elle qui prépare. Je l'aide, ouais, je peux l'aider, bien sûr. Et tu peux nous dire comment tu l'as fait de tête? Et bien sûr, ouais. Enfin, en Espagne, ce qui est important, en tout cas, presque tous les plats gastronomiques qu'on utilise. Et il y a de l'ail, il y a du persil, ça. C'est essentiel. Les tomates, donc il faut des tomates, un poivron, ça dépend. Et tomates, poivron, ail, persil, tout ça à l'huile d'olive, on les fait frire un peu à l'huile. Et comment on peut pas. Du coup, il faut. Alors, est-ce qui est important aussi, évidemment? Il faut une paella, c'est un poêle spécial pour préparer les paellas. Elles ne sont pas très profondes, enfin, les caractéristiques, je ne connais pas non plus. Mais bon, pour la faire avec n'importe quel autre outil, je pense que ça serait. C'est pas mal. Donc, un mortier aussi, j'aime bien utiliser le mortier. En Espagne, on utilise beaucoup le mortier à l'ancienne. Je me dis que d'une autre manière, ça ne serait pas. Elle ne serait pas réussie, je ne sais pas. Donc, les mortiers, c'est pour l'huile, pour les persils et l'ail, qu'on rajoute après au poivron, à la tomate, qui est dans ton défait. Et puis, séparément, je prépare les selles du poulet avec encore de l'ail, des citrons et la farine. Je les fais au four. Après, j'en rajoute, une fois que j'ai mes tomates, mon poivron et l'ail, j'en rajoute. Voilà, les selles de poulet, puis les riz, et avec un peu de vin de cuisine, pas très, voilà, des tables blancs, du vin blanc. Et on les fait mijoter, après c'est compliqué, voilà, c'est le plus compliqué, les temps de cuisson. Donc il ne faut pas les laisser trop longtemps au feu, parce qu'après c'est mou, c'est sec, hein, donc il faut toujours laisser un petit peu de sauce avant d'éteindre le feu. Tu en laisserais poser à chaque fois, à la fin. Et tu sais quel budget? Tu mets toujours à peu près le même budget? ou tu changes? Alors ça, c'est ce qui vient en Espagne. La plupart de, notre, de nos plats ne sont pas très chers. Mais je ne sais pas. Pas très cher, sincèrement. Les poulets, ce n'est pas cher. Les légumes, non plus. Je ne sais pas. Mais tu ne changes pas ton budget suivant les jours de paella? Non. Non, pas vraiment. Voilà.